Vince, vous avez dit que vous viviez dans l'attente d'un signal. De quel signal parlez-vous? Guzzer, le grand voyageur. Il va revenir quand il aura préconçu sa forme. Pendant la rectification du Vuldrenail, le grand voyageur est venu sous la forme d'un torbe. Puis, pendant la troisième réconciliation des derniers fervents du Mequetrex, on a choisi pour lui une nouvelle forme, celle d'un Sloar géant. Bien des chubes et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar. En vérité, je vous le dis. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule pour Play, avec comme d'habitude Thomas. Thomas, ça va, t'as la pêche, t'as la forme? Ah, j'ai la méga pêche. La pêche. Flavie qui est avec nous également. Bonjour. Et Ben qui est avec nous et qui nous a rejoint. Benoît, salut nos auditeurs qui ne te connaissent pas. Salut à tout le monde. Et ensemble, nous allons parler d'un thème à fois fort intelligent qui est... Vas-y, il était très intelligent pour le coup, tu l'as oublié. C'est qui est, peut-on jouer quelque chose que l'on ne connaît pas? Peut-on, non, c'est ça? Qu'est-ce que c'est le thème? Le thème, c'était, doit-on connaître quelque chose pour bien le jouer? Voilà, vous avez 4 heures. C'est parti. Enfin, 40 minutes du moins. Ah, déjà, tu retiens pas le thème, ça va être compliqué. Le thème, j'ai énormément de mal à retenir le thème, mais je vois bien l'esprit. Est-on obligé de connaître l'univers dans lequel on va jouer, enfin, pas forcément l'univers, le personnage, ouais. Est-ce qu'on... dans lequel on va faire évoluer son personnage. En gros, bien connaître pour bien concevoir. Et Ben, est-ce que tu pourrais rapprocher ton micro par contre? Moi, j'aurais vu quelque chose un peu plus loin. C'est si on veut jouer un médecin. Ouais. Est-ce que c'est possible quand on n'est pas médecin? D'accord, ok. Par exemple, ça, première chose. Est-ce que c'est vraiment possible de pouvoir dire « Ouais, donc, je vais faire une opération ou un truc comme ça sans sortir de l'immersion ?» Au niveau juste du personnage, alors c'est ça dans le truc. Est-ce qu'il faut connaître, par exemple, le métier, la classe, l'archétype de son personnage? Est-ce qu'il faut le connaître personnellement pour pouvoir le jouer dans la fiction? C'est ça la question, quoi, en gros. Oui. Alors, Thomas, qu'est-ce que t'en penses? Oui, je peux jouer un médecin parce que j'ai une compétence médecine. Ah, une compétence mignon. Chirurgie. Totalement d'accord. Et tu la joues comment? Tu fais. Je sors mes instruments et je réussis mon opération parce que j'ai fait une réussite critique. Les auditeurs n'ont pas vu, mais Thomas fait le mouvement de jette des. Je prends mes instruments, je me saisis de la poignée de dés, je les jette. Vous voyez une vingtaine, une cinquantaine de nez qui se lancent avec des valeurs, je compte et je fais un succès critique. Ouais. Oui, j'ai réussi à le sauver. En tout cas, je peux jouer un médecin. D'accord. Et dans un système, moi, je suis pas. Enfin, final, je pense pas, moi. Mais alors, bon, au final, pas commencé. Au final, le truc, c'est que si tu joues un médecin ou que tu fais une opération juste en lançant des dés, tu te prives du coup de tout l'aspect, tu sais, scalpel, machin. Je vais lui couper la carotide nord. Pour ça, faire un scalpel. Je jette un dé. D'accord. Bistouri. Un dé. Allez, après. Éponge. Ouais. D'accord. Ah, on le perd. Mais si tu choisis un médecin, c'est que peut-être tu as envie de jouer des choses de médecine. Moi, je sais que j'ai joué un médecin. Oui, bah, c'est pour mettre des NFS, faites-moi un scanner, mettez-la sous le Prozac, elle a un peu de mal. Mais qu'est-ce que t'en penses? Justement, si ça, moi, franchement, à chaque fois que j'ai joué un médecin, c'était pour jouer Lina de Cali, il y a des fois, j'étais vraiment frustrée. Lina de Cali, donc un personnage de jeu de rôle héroïque dans Sens, un jeu de rôle. Je suppose qu'il était donc un médecin? Oui, bah oui, puisque je viens de le dire. Et à chaque fois, quand il a fallu faire des. Alors, comment dire, des opérations, c'est tout bête, mais moi je voulais rentrer un peu plus dans le personnage, je voulais dire ce que je voulais faire, et à chaque fois je me suis retrouvée face à un mur, quoi. Qu'est-ce que je fais? Je vais lui ouvrir le thorax. Peux résumer une longue scène d'opération fastidieuse en disant, par exemple, mon personnage est en train d'opérer son personnage à la façon dont les médecins opèrent dans l'urgence, ou je sais pas quoi, en citant une référence. Bah oui, mais ça ne correspondait déjà pas à la couleur du jeu. Ensuite, ça, je trouve que ça brise l'immersion. C'est quand même plus simple. Quand tu veux jouer quelque chose, de jouer quelque chose que tu connais. Non, mais c'est tu clair. Vois, par exemple, c'est tout bête, mais quand tu dis je vais prendre la voiture, la voiture, elle a un souci, tu fais comment? J'arrive à choper l'allumage. Tout le monde sait comment conduire une voiture. Ouais. Si c'est une boîte auto et que tu n'as jamais conduit une boîte auto, tu ne peux pas conduire de voiture avec une boîte automatique. Ouais, mais personnellement, si tu sais, j'ai puisque pas le permis, tu sais à peu près. Benoît. Voilà, quoi. C'est pas ce qui va m'empêcher d'aller conduire une voiture. Oui, mais tu es déjà rentré dans une voiture, tu as déjà vu des gens. Oui, j'en ai qui déjà conduisent. Conduit. Tu n'as jamais tout, assisté etc. à une chirurgie cardio-ventriculaire. Non, comme peu de personnes, je pense. Bah oui, enfin, c'est d'où mon propos. Par exemple, on voit par exemple que l'inspiration principale du personnage dont tu parles, donc Lina de Cali, ça restait quand même Scully dans X-Files. Et du coup, comme tu avais vu la série X-Files et que tu la connaissais par cœur, c'était assez facile quand même de mimer le petit côté autopsie. Nous sommes face à un sujet de race blanche, un mâle de tel âge, etc., etc. Mais quand même, ça revient au même. C'est-à-dire qu'il faut bien connaître quelque chose, une référence, ou connaître un métier pour pouvoir le jouer. Mais tu vois, ça va dépendre aussi des jeux. Parce qu'il y a des jeux dans lesquels, ben, comme disait Thomas, ça aura peut-être moins d'importance, genre tu as juste à faire ton jet de dés. Mais si le jeu, c'est vraiment de faire les actions du personnage et d'entrer un peu en synergie avec lui, ben là tu vas avoir un vrai souci, quoi. D'accord. Thomas, tu voulais dire un truc ? Ouais, en fait, je voulais surtout revenir, si on part dans cette idée-là, donc on peut pas jouer de vampire, on peut pas jouer de loup-garou. Alors On peut pas jouer d'esprit, bah, on oui, peut pas oui jouer... Oui et non, parce que tu vois, c'est pareil, t'as quand même la référence culturelle du truc, quoi. T'as déjà vu des films comme ceux qui ont été inspirés de Anne Rice, par qui ils ont été réalisés d'ailleurs, ce film-là, Entretien avec un vampire et tout. Entretien avec un vampire, le premier, je sais plus, mais c'est quelqu'un qui est inconnu. Par contre, les autres, c'est d'obscurs inconnus qui sont restés dans l'anonymat, pour le coup. Je sais pas du tout, mais en tout cas, voilà, t'as déjà vu des films de vampires qui te permettent au moins d'imaginer... Ça dépend aussi, dans Vampire, le but... Le but, c'est un peu de s'amuser en étant des vampires. C'est pas de ressentir ce qu'on ressent quand on suce le sang de quelqu'un. Ça dépend des joueurs. Ça dépend des joueurs. Dans ces cas-là, le système n'est pas forcément pour. C'est pas en lançant un dé de compétences, quand même une caractéristique humanité où logiquement, tu dois ressentir le tiraillement entre non, je veux pas perdre mon humanité ou non, si justement, je veux devenir rien qu'une simple bête. Ouais, non, je sais pas. Franchement, c'est une vraie question, au final, cette affaire de. On en rigole un petit peu. Est-ce qu'il faut connaître pour bien jouer son personnage le et métier qu'on veut jouer? Ça veut dire qu'il y a plein de jeux de rôle qui peuvent pas, dans ces cas-là, entre guillemets, exister. Puisque selon les objectifs, il y a des jeux de rôle qui. Ben, je reprends la médecine parce que voilà, c'est le truc le plus simple. Mais si tu voulais faire un jeu de rôle où fallait vraiment être un médecin, fallait vraiment expliquer en fait la tension qu'il peut y avoir dans une opération genre de choses, tu ne pourrais pas faire ça. Ouais, ou encore les jeux où tu joues des extraterrestres, quoi, de manière générale. Ben, Toulou, hein, tu voulais dire quelque chose ? J'ai l'impression qu'en fait, cette question n'a pas super lieu d'être parce que par définition, c'est un jeu de rôle. On joue un rôle. Ouais. Qui justement... n'est pas un truc qui relève de notre domaine de compétences. Ouais. Bah oui, mais tu mets toujours énormément de toi-même quand tu fais un rôle. Justement, oui, tu t'investis. Et du coup, où est-ce que ça doit s'arrêter dans ces cas-là ? Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est justement le principe du jeu de rôle, c'est qu'il n'y a presque pas de limite. La seule limite, c'est ton imagination, en fait. Mais ton imagination, elle va avec ce que tu connais dans ta vraie vie. Ouais, dans un sens, oui, mais je sais pas, je suis pas... Ah, je sais pas trop comment dire ça. En fait. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, Ben. C'est-à-dire que il y a comme une espèce de paradoxe dans la question. C'est-à-dire ouais, qu'à la fois, le jeu paradoxe, de rôle, ouais. C'est quelque chose qui nous permet de jouer des trucs qu'on n'est pas, par définition. Enfin, c'est par l'intérêt du jeu, il est peut-être là. Et en même temps, on a la sensation que si on n'y connaît vraiment rien de cette chose, c'est difficile de la jouer. Et c'est ça le. Peut-on vraiment jouer quelque chose qui est totalement différent de nous ? On met toujours de nous-mêmes. Hein. Moi, j'ai jamais été capable de jouer quelqu'un de calme à une table. Non, c'est bah alors, comme parce, moi, par sous-entendu exemple. Parce que Flavie est assez nerveuse. Toujours jouer un mec avec une flasque qui a une dépendance au voilà, whisky. C'est comme moi, je fais. Quand je suis avec Toulouse, je finis toujours par être un flic ou un je sais pas quoi, un détective privé ou. Ouais. Wix, machin, toujours parce... avec un flingue, une bouteille de whisky, mais et puis voilà. Tu vois, c'est là que le truc, c'est pas forcément de le connaître ou de l'avoir vécu déjà personnellement. T'as jamais été un détective, t'as jamais été un flic, mais t'as regardé par contre beaucoup de films où il y avait des flics et des détectives privés. Et c'est ça, à mon avis, la clé du truc, c'est que on en revient encore à ce que disait Olivier Caïra dans Les Forges de la Fiction, c'est que le jeu de rôle, c'est quelque chose qui ne peut être et qui ne peut exister qu'à partir du moment où beaucoup de gens ont des socles ou un socle culturel commun. Qui est par exemple excellent dans le cadre de la littérature ou du film. On a tous des références de ce que c'est qu'un bandit, un voleur de l'espace, un voleur dans une histoire de fantasy, ou alors un pilote à la Yann Solo, etc. etc. Et tu vois, ça me rappelle un truc dont on avait parlé avec Christophe Buckley. Alors malheureusement, je ne vais pas me souvenir du nom du jeu de rôle, peut-être Christophe que toi tu Buckley. T'en souviendras. C'est un jeu de rôle qu'il avait acheté où c'était un univers complètement nouveau avec que des nouvelles créatures. Ah oui, et comment il s'appelait ce jeu ? Je suis incapable ah de ouais, me rappeler. Ah oui, oh là là, c'était complexe. Ça. Et il disait qu'il avait testé le jeu, mais que comme c'était dans un endroit, dans un univers que personne connaissait avec que des choses bêtes qu'on ne connaissait pas. Mmh. Bah, même en ayant lu vraiment la base, quand tout le monde l'avait lu, etc., bah, c'était finalement injouable. Ouais. Parce que personne n'avait l'univers en commun et qu'on finalement, on essayait de jouer quelque chose qui ne nous correspondait pas. Ouais, c'est ça, c'est et dans ça, lequel on n'avait aucune vision. Le délire, c'était ça, c'était de faire un jeu qui était tellement original que les bêtes, elles avaient des têtes de rien, mais elles ressemblaient à rien. Il y avait des nouveaux sens, etc. Alors, c'était super. Enfin, le jeu, il était en tout cas super beau. Les illustrations, elles étaient super belles. Parce lire, que même les créatures, elles avaient aucune référence connue. Mais par contre, le jeu, il était injouable parce que tu n'arrivais pas à t'imaginer le truc, quoi. Puis même, quand il y avait des archétypes... Jeu, Thomas, ou pas? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Il y avait les archétypes de personnages... Tu jouais des personnages qui avaient des sens tellement différents des êtres humains qu'en gros, tu savais pas comment les jouer. Ouais, voilà. Et tu finissais tout de suite par retourner vers un anthropomorphisme de base. Tu peux ne pas avoir besoin de manger, ne pas avoir besoin de dormir, etc. Et c'était tellement différent. Ça reste, en fait, je veux dire, une interprétation logique. Moi, je veux pas. Pour l'instant, moi, j'ai jamais eu le cas où que j'ai jamais pu interpréter un personnage. Je te jure que ce jeu-là, tu l'aurais eu entre les mains. Il était trop bizarre. Il était vraiment. Christophe. Ouais. Si tu nous entends, si tu fais partie de nos fidèles auditeurs, envoie-nous le jeu, puis on va le tester. Quoi. Ouais. Jeu américain, je crois, et il a pas du tout marché, parce qu'il était injouable fait de son univers, alors que c'est l'univers qui attirait les gens. Même le nom, il a l'air. Enfin, on n'a même pas retenu le nom, tu vois. Mais tout le jeu est comme ça. C'est-à-dire que c'est dur à retenir, tout est dur à assimiler, parce que c'est totalement nouveau. Alors c'est évidemment une super prestation. Logiquement, on doit quand même avoir une certaine compréhension, puisque à moins que l'auteur soit un dieu ancien d'une sphère un peu bizarre, ouais, ça reste un être humain, il l'a imaginé. Tout à fait, mais il a quand même réussi un joli tour de force. Hein. Je te jure que c'est quand même bien foutu. Quoi. Les dessins, les créatures, elles ressemblent à vraiment rien de connu. Et c'est pas ridicule comme dans la base de Cthulhu, par exemple, où les grands anciens, c'est juste des flaques d'eau ou des pustules. Non, c'est vraiment, il y a vraiment une recherche esthétique sur les créatures et tout. C'est assez intéressant. Moi, j'avais jamais vu un truc comme ça. Ça m'avait vraiment scotché. Ouais, mais, mais c'était injouable parce que justement, il n'y avait pas la connaissance nécessaire pour pouvoir jouer le truc. Quoi. Ça, c'était vraiment le défaut dans la cuirasse. Quoi. Mais bon, si effectivement on prend. À juste titre, l'énoncé du problème, c'est vrai que si t'as aucune connaissance, mais vraiment aucune connaissance de ce que tu vas jouer, genre je sais pas, on va jouer un zoar géant. Un zoar géant. En vérité, je vous le dis. Moi je sais pas tout ce que c'est. Hein. Non, moi non plus. Donc si quelqu'un n'est pas capable de dire, bah si, tu vois, c'est genre un gros ver avec des gros yeux tout autour sur le corps et qui mange des gens, et à l'intérieur il y a un fourneau de son estomac. En fait, les deux extrêmes sont difficilement jouables. C'est-à-dire qu'on a du mal à imaginer un médecin qui joue un médecin, par exemple, dans un jeu de rôle. Parce que tu vois, un médecin qui joue son propre rôle. Bah, Second Life, quoi. Les mecs qui jouent le même personnage. Sauf si ça fait partie du jeu de le faire. Mais par exemple, on imagine bien, par exemple, dans un Nobilis. Donc, Nobilis, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un jeu contemporain dans lequel on est le simulacre, dans lequel le personnage est le simulacre d'une entité ancienne. Qui s'appelle un. J'ai dit que Nobilis ou Néphilim ? Je me suis trompé. C'est Néphilim normalement. Ouais, je vais penser à Néphilim en fait. Donc dans Néphilim. Nobilis aussi. Oui, mais Nobilis aussi, tu peux très bien jouer. Ouais, tout à fait. Dans Nobilis, tu peux aussi jouer un personnage hanté par une divinité du passé. Donc, en fait, l'idée c'était de dire, on peut se jouer soi-même, enfin surtout dans Néphilim. Par exemple, on peut se jouer soi-même hanté par un Néphilim. Oui, et dans Nobilis, on peut se jouer soi-même comme étant une encre du personnage. Une encre, ou tout simplement, à la base, tu joues toi-même qui devient un Nobilis. Ouais, mais voilà. C'est rigolo que tu cites Néphilim, parce que Néphilim, c'est le prototype même du jeu, où si tu ne te renseignes pas à côté, tu ne pourras pas le jouer. Ça, c'est comme la manière dont encore certains maîtres de jeu à la baronnie. Quand même, si tu es censé jouer quelqu'un qui s'y connaît, qui a vécu en antiquité et que tu ne connais rien en antiquité, ça risque d'être quand même un peu difficile au niveau du roleplay. Pas de problème, puisqu'en fait, quand tu. Le truc qu'il faut savoir, c'est qu'un néphilim, quand c'est en proposition d'un corps humain, ça récupère un peu les souvenirs. Donc, il sait comment interagir à telle époque. Oui, mais bon, si tu rencontres d'autres néphilims qui ont vécu à la même époque que toi dans l'Antiquité, si tu connais absolument rien, ça paraît quand même bizarre de prendre un personnage qui s'y connaît sur l'Antiquité sans rien connaître à l'Antiquité. Enfin, moi là-dessus, tout ce que je voulais dire par rapport à ça, c'était juste que c'était bizarre de voir des joueurs qui jouent un personnage qui est strictement identique à eux. C'est rare. Et c'est aussi rare de voir des joueurs qui font des trucs qui sont totalement différents d'eux-mêmes. Dans les deux cas, en fait, tu vois, par rapport à la question d'origine qui est comment faire pour jouer quelqu'un dont on ne connaît rien et inversement, est-ce qu'on peut jouer quelque chose qu'on ne connaît pas du tout ? Je pense que à la fois, on ne joue pas l'un, on ne joue pas un extrême et on ne joue pas l'autre. On ne joue pas le mec qui ne nous ressemble pas du tout et on ne joue pas le mec qui nous ressemble totalement. Donc en fait, il faut en connaître un peu, mais pas trop. C'est la réponse de Normand. Merveilleux. Un peu, ça, mais pas beaucoup. Ça, c'est pour le personnage. Maintenant, il y a d'autres choses. Par exemple, l'univers. Là, du coup, Benoît, t'avais d'autres choses à dire sur l'univers. Est-ce que, par exemple, il est nécessaire de connaître l'univers dans lequel on va jouer ? Là, c'est clair que non, sinon on ferait que du contemporain, quoi. Ben ouais, moi je pense que non, parce qu'il faut quand même avoir faut vraiment avoir une découverte de l'univers au moment où tu joues ton personnage, quoi. Sinon, si tu connais déjà tout de base, ça sert à rien. Ça sert à rien, ouais, c'est clair. Tu perds énormément du plaisir à jouer, quoi. Regarde l'univers de Patient 13. Quand tu te réveilles à Patient 13, tu es censé être un fou qui est dans un hôpital psychiatrique qui se réveille. Et en fait, tu connais pas du tout l'univers. Et, Alors non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Bah vas-y. C'est pas si simple, mais bon. Patient 13, si en fait, simple, mais c'est le truc de base. T'es, pas forcément un fou, en fait. T'as la possibilité soit d'être un fou de base, c'est-à-dire que ça fait longtemps que tu es dans l'hôpital. En fait, dans l'idée, c'est que t'es un gars qui se réveille dans un hôpital psychiatrique. Il n'a aucun souvenir de ce qu'il fait là. Ah, il y a ce délire de qui est le patient et qui est le médecin. Voilà, il n'a aucun souvenir et pour lui, il n'est pas fou. Et en fait, tu as une possibilité à la création du personnage de choisir en fait un personnage. En fait, c'est le atteint ou le saint. Le saint, celui qui vient tout juste d'arriver. Ouais. Et le atteint, c'est celui qui se fait déjà un petit moment, qui est dans l'hôpital et effectivement, lui, il est fou. Ouais, d'accord. Non, c'est ça. En fait, tu ne joues pas un fou, tu joues dans un univers de fou. Tous les services hospitaliers te disent si, monsieur, si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison. Vous avez des problèmes. Je ne peux pas vous dire votre pathologie, sinon ça pourrait vous bloquer. D'accord. Donc tout le monde dit que t'es fou, tout le monde fait en sorte que t'es. Enfin, te fait comprendre que t'es bien fou, alors que toi, non, tu te sens complètement sain d'esprit. Mmh. Et au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, tu deviens complètement taré. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, Fabie, par rapport à cet univers-là ? Bah, c'est parce que quand tu te balades dans cet univers. Techniquement, tu le connais pas, tu sais pas que tu peux avoir de gros soucis en allant à la machine à café, tu sais pas tout ça quoi. Connais pas l'univers dans lequel tu évolues, c'est justement le trip du jeu, je pense. Alors là, encore une fois, je limite quand même un petit peu, c'est-à-dire que même si on connaît pas l'univers même si on ne connaît pas l'univers dans lequel on évolue, n'empêche que voilà, on doit connaître, on sait ce que c'est qu'une machine à café, on sait à quoi à peu près ressemble un hôpital. Voilà. Ce qui veut bien dire que un minimum de base, voilà. Après on te jette dedans et c'est à toi de découvrir le monde et tout. Je te dis que tu arrives dans le monde de Glatorzrag. Ouais, Glatorzrag. Tu dis, bah ouais, mais c'est quoi ton monde ? Si tu donnes pas plus, tu sais pas faire. Mais je te dis, bah, tu vois, c'est une planète spécifique, tellurique, qui fait partie de tel système. Justement, on en revient à ce jeu de rôle très bizarre dont c'est malheureux, mais on n'a pas le nom et on peut pas faire la recherche sur internet parce qu'on n'a même pas le nom. Et ce jeu de rôle, en fait, te fait bien reconnaître que. Ce serait pas Fairies ? T'as besoin. Non, c'est pas Fairies. T'as besoin des. Dans un nom genre Exilis ou. Je sais pas le nom, mais c'est un nom comme ça. Ce jeu te montre que, en tout cas, t'as pas besoin de connaître comment l'univers est agencé, mais t'as besoin de connaître les concepts qui sont présents dans cet univers. C'est-à-dire que tu dois connaître le concept du vampire pour jouer à un jeu de rôle de vampire, mais t'as pas besoin de savoir que Tréméré est un vampire qui est à la fois un sorcier. T'as pas besoin de connaître les détails. T'as pas besoin de connaître l'historique. T'as juste besoin d'avoir, comme je disais, les grandes lignes, et puis on te jette dans le monde et c'est à toi de te démerder. Voilà. Quoi. Donc, par connaître l'univers, qu'est-ce qui est nécessaire de connaître pour jouer à un univers ? Il faut au moins en connaître les concepts, quoi. Ce que c'est qu'un nain, ce que c'est qu'un barbare, c'est quand même assez indispensable pour bien comprendre. L'univers de Tolkien, quoi. Je dirais plus, en fait, c'est surtout, t'as besoin de ça, parce que si on. J'imagine, moi, MJ. Enfin, un barbare, c'est pas tellement l'univers. Tu vas montrer un jeu, il fait, bon, voilà, on va jouer un jeu de rôle. Bon, bah, tu vas jouer un nain. Le mec, en fait, il sait pas ce que c'est, il dit, bah non, pourquoi je jouerais un nain, c'est quoi ? Alors, non, c'est-à-dire qu'il va dire, imagine le mec qui répond, ah ouais, un nain, c'est-à-dire une personne de petite taille. Tu sais, il a pas tout l'archétype qui va avec le nain, c'est-à-dire la barbe, la mine, la bière. Non, mais je t'emmerde, moi. Non, mais tu vois, imagine le mec qui dit un nain, mais pourquoi je jouerais un nain ? Enfin, qu'est-ce que. Tu vois, il pourrait te dire ça, quoi. On veut juste jouer un homme de petite taille. Donc voilà, ouais, c'est ça. Donc du coup. Oh, c'est un petit barbu avec une grosse hache qui arrête pas de boire de l'alcool et qui fout des coups de hache à tout le monde. C'est un motard, mais petit et sans moto. Et... On place le moto par un bélier. Enfin, tout ça pour dire qu'il faut connaître quand même un minimum les concepts, même dans un univers. Parce que ce jeu dont on ne se connaît toujours pas le nom, lui, il était injouable. On se sera renseigné hein, pour le passage que, sur la radio, donc on s'excuse, on le mettra à ce moment-là. Ce jeu-là, il n'a que des concepts que tu ne connais pas. Quoi. Les oiseaux, on ne va pas dire qu'ils sont volants, on va dire qu'ils sont bablabzer. Bah déjà, ça n'existe pas, les oiseaux, dans cet univers. Voilà, il n'y a pas d'oiseaux, on va dire que c'est des farfrés. Ouais, techniquement, vu que tu vas jouer à plusieurs, tu vas essayer de te décider. C'est tout simple, tu prends une discussion. Ouais. Quand tu dis un mot, si tu t'aperçois que tout le monde n'a pas la même définition, tu te fixes sur une définition, fais non, tel mot veut dire telle chose. Tu es d'accord, c'est bon, donc c'est parti. Ouais, mais le vrai souci de ce jeu, c'est qu'il fallait faire ça pour tout. T'avais tout à faire. Quoi. Donc au final, tu jouais pas en incroyable. Fait. C'est incroyable. Tu passais ton temps à dire, attends, mais là, on est autour de quoi? Est-ce que c'est une table? Ah ben non, c'est pas une table, ça ressemble pas à une table. Il y avait quand même des jungles et des. Il y avait quand même des concepts qui restaient, quoi. Il y avait de la gravité, il y avait quand même. Il y avait des trucs quand même. C'est très bizarre. C'est très, très bizarre. Franchement. Ouais, moi, j'aurais testé avant de donner un avis. Ouais, je connais pas du tout le jeu, je vois pas du tout le blocage. En fait, ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est juste la réflexion qui permet qui fait naître, en fait, qui est de. Si tu ne connais vraiment pas les concepts d'un univers, tu peux même pas le comprendre, quoi. Et c'est un peu l'idée de Lovecraft dans Cthulhu, d'ailleurs. De dire, bah voilà, autour de l'homme, il y a tout un univers sur lequel il n'a pas les concepts et donc il ne comprend pas, qu'il ne saisit pas, qui est complètement insensé et qui piche pas, quoi. Parce que... non euclidien. Ouais, comme il disait, ouais, mais en fait, tout l'univers est non euclidien. Alors c'est compliqué parce que dans l'univers de Lovecraft, ça paraît merveilleux que tout soit non euclidien, mais en fait, tout est non euclidien. Enfin, si on s'en... Comment s'appelle son chat? Attends, c'est Boubastis. Non, c'est son chat, c'est pas son chien, c'est Boubastis. Poulpi. Donc voilà. Au niveau du personnage, qu'est-ce qu'il est nécessaire de connaître? Non, au niveau de l'univers, il est quand même. Enfin, en tout cas, pas son métier, mais il faut quand même connaître les concepts encore attachés au perso. Au moins avoir des concepts de l'univers, comment il tourne, quoi. Savoir si c'est un truc actuel, ou genre le commerce est là, ou si c'est un truc, ou c'est des religions qui sont principales. Voilà, des concepts de l'univers qui tournent. Ouais, ça c'est clair, c'est obligatoire. Après, il faut. Ton personnage. Tu le fais évoluer de toute façon de base, tu peux pas tout avoir, ou bien tu as vraiment travaillé dessus comme un bourrin. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Sinon, derrière, je pense que. Tout doit rouler dessus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de faire des recherches pour travailler un personnage, Thomas? Ça m'est déjà peut-être éventuellement arrivé une ou deux fois parce que je tripais sur un perso. Ouais. Mais généralement, non, moi, le plaisir en jeu de rôle, c'est la découverte de l'univers. D'accord. Donc je prends un des archétypes trippés, j'essaie de prendre ces archétypes et puis je vais les découvrir en jouant un univers. Je préfère en savoir le moins possible parce que je préfère au fur et à mesure découvrir. T'as jamais fait des recherches par exemple sur un univers pour comment dire y jouer? Moi, je crois que c'est faux. Hein. Ça m'est arrivé une ou deux fois, je veux dire. Pour Chine, par exemple, tu as dû quand même faire des recherches. Non, non, parce que tu avais la culture. Voilà. Déjà, de base, j'avais une certaine culture. Tu avais déjà vu des films de Wuxia. Voilà, j'avais déjà une certaine culture. Ça m'est arrivé, par exemple, tu vois, pour Saint Seiya. Saint Seiya RPG, donc le jeu de rôle des Chevaliers de Zodiac. Ouais. J'avais envie de triper sur un perso. Donc, j'ai fait des recherches. J'ai fait un personnage sur l'Egypte. Donc, j'ai fait des recherches sur l'Egypte, culture égyptienne. Qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, de faire ces recherches et pourquoi est-ce que tu l'as fait? Alors, si je l'ai fait, c'est parce que j'ai voulu donner un background cohérent, enfin une historique cohérente à mon personnage. Cohérent avec l'histoire réelle, avec les cultes égyptiens réels ou... Avec tout le système autour du culte égyptien, je suis parti là-dessus. Mais pas parce que, d'une part, pas parce que ça, on me l'a imposé, ensuite, pas parce que ça va donner une meilleure interprétation à mon perso. J'ai vraiment fait dans cette idée-là parce que moi, ça me faisait triper de le faire, donner un historique. D'accord, ok. Et je crois que c'est à peu près. Il doit y avoir un autre jeu. Où j'ai dû commencer à chercher, par exemple pour Sens. Ouais. Sens, je me souviens qu'à un moment, j'ai voulu développer un nouveau pouvoir pour mon personnage. J'ai commencé à vouloir faire des recherches pour que ce soit compréhensible avec l'univers. D'accord. Mais moi, généralement, j'ai plutôt plaisir de la découverte. D'accord. Je prends par exemple, là, je joue à Shadowrun. Ouais. Donc, un jeu, futuriste, donc où la technologie est super cyberpunk, présente. C'est du cyberpunk. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est-à-dire un monde, on va dire proche d'un Mad Max où les méga corpos dominent le monde. C'est une pas vraiment de métal Mad Max. Et de pierre. C'est plus un futur où les gens commencent à être implantés. Blade Runner, voilà, est beaucoup plus proche. Ouais. Et là, j'ai pas fait plus de recherches. Je préfère voir la découverte. Et je joue un personnage. hacker des cœurs. Ouais. Effectivement, j'ai des connaissances en informatique, mais j'ai aucune connaissance dans le hack. Moi, j'aurais été incapable de jouer un personnage là. Ouais, mais t'as des connaissances en informatique quand même. T'es informaticien à la base. Bah, je suis informaticien, oui, je sais allumer un PC, oui, je sais dépanner un PC. Mais savoir qu'il faut que j'ouvre telle porte à tel endroit pour accéder au programme, pour pouvoir bidouiller les bonnes lignes de programme, ça, je sais pas. D'accord, ouais. C'est, j'ai une compétence. Le jeu Shadowrun t'impose absolument tout son vocabulaire. Il n'y a pas du vocabulaire informatique qu'il faut connaître. Il y a un vocabulaire spécifique à Shadowrun. Mais pareil, dans Shadowrun, surtout dans la dernière édition, je crois que c'est la dernière édition qu'on joue, ils ont fait une évolution par rapport au monde réel, puisque Shadowrun, ça doit se passer 200 ou 300 ans plus tard. Je suis même pas sûr, c'est peut-être même plus récent que ça. D'accord. Donc ils essaient de coller pas mal à, au monde contemporain. Quoi. Ouais, d'accord. Mais je veux dire, tes compétences en informatique t'ont pas été indispensables. T'aurais pu ne rien connaître en info et jouer ton hacker à Shadowrun. Et j'aurais pu jouer mon hacker. Okay. Et effectivement, c'est possible qu'au début, tu vois, j'ai pas des bons réflexes. Mais toi, tu te fais piéger une fois, tu te fais piéger deux fois. Mmh. Et au bout d'un moment, tu prends ces réflexes. Tu dis, ok, pour faire ça, je sais que le système me dit qu'il faut d'abord que je fasse tel jet, puis ensuite tel jet. Donc, bah, je vais plutôt faire ci, je vais plutôt faire ça. D'accord, ok. Ben, est-ce que ça t'est arrivé de bosser ton personnage, d'aller faire des recherches pour travailler un personnage? Jamais. Moi, je suis un joueur très occasionnel de jeux de rôle. Ouais, enfin, tu joues pas mal quand même, hein. Tu joues avec nous, donc. Ouais. Dis donc, je peux te jurer que même non, parmi nos unitaires, je sais pas. J'ai jamais essayé de. Moi, les personnages, les fouilles, c'est. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il aurait pu vivre, etc. Mais je vais chercher dans ma tête, essayer d'imaginer un truc. Ça te plaît pas quand même le réalisme en jeu de rôle, la pression d'y être vraiment. Mais d'avoir, en fait, je joue toujours à un jeu qui est. Voilà, genre par exemple, un jeu où vampire, où t'incarnes, on va dire, un surhomme ou un être surnaturel ou ce que tu veux. J'ai jamais joué à ça. D'accord. J'ai toujours joué à des jeux où contemporains, sauf Sens, où là, t'es pas vraiment un humain, quoi. T'es un peu, on va dire, t'es un peu le cul entre deux chaises, quoi. Mais t'as quand même un espèce de, enfin, t'as un quotidien humain. Mais tu restes quand même un quotidien d'humain avec tes routines, tes machins. T'as quand même les mêmes idées qui peuvent te passer. T'as joué aussi à Agon, un Minotaur, quand même. Ton Minotaur. Mais bon, là, on va plus le coller dans le style. Ouais, j'arrive, je tape, je bourre, quoi. Ouais. En gros, t'as fait un avec des cornes, quoi. Un rouge-vert, quoi. Un rouge-vert, quoi. Intelligent. Donc, jamais fait de recherche, même pour les univers et tout, t'as jamais fait de recherche dans la... Non, parce qu'à chaque fois que j'avais besoin de savoir à peu près dans quel univers je me trouvais, je demandais à gauche, à droite, et vu que tous les gens autour de qui je tourne, ils connaissent à peu près tous les univers des jeux de rôle, quasiment. Ouais. Je demande, on me fait un petit bilan, moi, ça me suffit, et après, je découvre par moi-même. D'accord, ok. Donc, c'est jamais ça de recherche. Qui est intéressant. Non, j'ai jamais recherché. Fais vite, toi, pour ton personnage. Moi, oui. Bah, Saint Seiya, normal, parce que je jouais une chevalier de Zeus et que fallait que je travaille mon roleplay. Ouais, putain. oui. À Sens, mais bon, moi j'avais même fait des. C'était pour l'Inat Kali quand je créais des. Des trucs. Mais est-ce que t'as fait des recherches ou est-ce que c'est juste que t'as travaillé pour ton personnage? J'ai travaillé pour mon personnage. Ouais, voilà, c'est plutôt ça. Et les recherches que j'ai faites, par exemple, à Agon, malheureusement, on n'a jamais continué la chronique avec toi. Ouais. C'était parce que je jouais une médecin, pas médecin, mais une guérisseuse. Mm-hmm. Je m'étais renseignée sur les herbes et tout pour créer des cataplasmes, etc. On peut peut-être parler d'Agon, parce qu'en fait, on a cité ce jeu plusieurs fois, mais on n'a jamais dit vraiment. C'est un jeu de rôle qui a été fait par Mathieu Gaborit. D'accord. Un de mes écrivains préférés. Mathieu Gaborit. Mathieu! Oh, c'était très très beau ce que tu viens de dire. Heureusement, je suis contente que tu ne l'aies pas dit dans le micro. C'était absolument immonde, Ben. Merveilleux. Okay, poésie, poète. Il y a un vieux blanc dans le podcast. On saura pas ce que c'était. Et donc c'est un jeu met fan, on va dire, mais qui va un petit peu plus loin. Ouais. Un jeu dans lequel, je sais pas comment dire, il y a des gens donc qui font à l'aide de l'art, on fait des pouvoirs magiques. Et ce sont des gens qui possèdent un élément magique qui s'appelle la flamme et qui permet en fait à tout un tas de personnages de faire de la magie à l'aide de leur art. Donc ça va être vraiment avec la poésie, on va déclamer des vers et puis il va se passer des choses. Tableaux qui vont devenir vivants. Des tableaux mondes. De la musique. De la musique qui va permettre d'hypnotiser des gens et de les manipuler. Ouais, des pierres comme des gargouilles qui vont s'animer et te protéger. Voilà, les sculpteurs qui vont pouvoir sculpter des gargouilles qui vont s'animer carrément. Donc c'est vraiment un univers sympathique parce que ça revisite en fait le Medfan et puis ça prend aussi des archétypes du Medfan qui sont très très différents, on va dire, des archétypes habituels. Mais c'est trop bien de voir un Medfan sans elfe. Oui, ne serait-ce que ça. Ouais, mais c'est ça, trop c'est bien, belle. Sans des elfes. Rien que pour ça, rien j'ai aimé ça, ce tu jeu. Aimes. J'ai vraiment aimé ce d'elfes. Jeu, rien que pour ça. Il n'y a pas d'homosexuel. Ah, je peux pas les saquer les elfes, j'y peux rien. Et ta fiole. Hein. Oh bon, bref. Alors, donc, en tout cas, mais est-ce que tu as fait des recherches, je veux dire, de... Alors, ce que je te ramène, le thème, disais... c'est... l'idée, c'est... Oui, c'est est-ce ce qu'on que peut... j'étais en train de te dire. Alors, ouais. Je faisais des recherches sur les plantes, etc. Ah, quand même. Pour faire des trucs sur les cataplasmes. Donc, je m'étais créé 2-3 trucs dans mes carnets. Mais comme on n'a jamais pu continuer la chronique, et ben, j'ai jamais pu les utiliser. D'accord, ok. Et en tant que MJ, est-ce que tu as déjà fait des recherches pour augmenter la crédibilité d'un univers en tant que MJ, plein. Ou de PNJ plein. Plein, plein. Pour Écrime, notamment, ouais. Aussi de Mathieu Gabory. Ou Écrime, on peut peut-être en parler. Alors, c'est un jeu steampunk. Steampunk. C'est steampunk. Qui, où l'eau a été remplacée par l'écrime dans le monde. Et donc, c'est une catastrophe écologique. Ouais, une espèce de brume acide voilà. Qui recouvre. Et en fait, je ne ferai pas trop de spoilers sur le jeu. Donc, ça, c'est le truc de base dans l'univers steampunk. Mais derrière, en fait, il y a un mélange qui arrive entre la réalité et les imaginaires des êtres humains dans le monde, en fait. L'écrime a la capacité de faire arriver les imaginaires des êtres humains dans le monde. D'accord. Donc, en fait, je m'étais renseignée sur plein de mythes. Réalise les rêves, on va dire. Exactement. Ça les rend réels, en fait. Et donc, je m'étais renseignée sur plein de mythes, etc. D'accord. Pour faire que la mythologie puisse arriver dans le monde. Donc, que ce soit des mythes babyloniens ou ce genre de choses, j'en ai pas mal travaillé. D'accord. Et qu'est-ce que tu recherchais en apportant comme ça de la réalité dans la fiction, si j'ose dire ? Est-ce que c'était pareil, c'est de la crédibilité, plus d'immersion. Plus d'immersion pour vous. En quoi le fait de s'inspirer de choses réelles, c'est-à-dire de choses connues ou réelles, se permet d'avoir plus d'immersion ? Moi, j'aime bien le fait de mélanger... dans les fictions concrètes, un peu de réalisme. Je trouve que ça, du coup, ça brouille les pistes. D'accord, ça brouille les pistes. T'as fait le truc plus crédible, quoi. Ouais. Thomas, tu veux dire un truc ? Bon, moi, j'ai tendance à dire, tu vois, par exemple, sur la recherche, j'écoutais donc ce que disait Benoît. Ouais. C'est vrai que généralement, un personnage, on va dire un joueur, s'il a besoin d'une info sur, tu vois, par exemple, je sais pas ce que c'est qu'un zoar géant. Un zoar géant. Voilà, je me retourne éventuellement vers le maître de jeu, si c'est un JDR avec un maître de jeu, ouais. Ou vers les autres joueurs si on fait plutôt un jeu de rôle participatif, ouais. Pour savoir qu'est-ce qu'un zoar géant. Donc là, soit les joueurs se mettent d'accord, soit s'il y a un MJ, le MJ dit le zoar géant c'est ça, ça, ça et ça, ça vit à tel endroit, ça fait tel truc. Donc là, ok, on a l'atlas du monde, c'est le MJ qui lui doit connaître son univers. Et moi, après, je suis pas obligé forcément de faire des recherches et voilà, moi ma référence c'est le MJ, donc je pourrais jouer dans un univers qui m'est totalement inconnu. Je pourrais jouer alors un personnage inconnu, oui et non, je veux dire un archétype inconnu tant qu'on me donne au moins les bases, et si j'ai une question, je vais pouvoir demander au MJ pour faire l'interprétation. Aux autres gens autour. Et du coup, moi ça me pose la question pour les jeux de rôle sans MJ. T'as les autres autour de toi. T'as les autres joueurs. Parce qu'en fait, dans les jeux de rôle sans MJ, tout le monde est MJ. Tout le monde est maître. Ouais, c'est-à-dire que l'autorité du maître de jeu est répartie sur plusieurs personnes. Mais au final, il y a toujours cette autorité-là. Il y a toujours quelqu'un qui est capable de dire non, ça n'existe pas. Et oui, ça existe. Il y a toujours soit toute la table, soit quelqu'un, soit plusieurs personnes. Ouais, dans les deux seuls jeux que j'ai fait comme ça, où il n'y a pas vraiment de MJ, il y a toujours quand même un joueur qui est un petit peu, un petit peu plus haut que les autres. Ouais, par exemple, pour le jeu de Frédéric Sainte, je vais prendre Prosopopée. Il y a pas de, enfin c'est vraiment tout le monde autour de la table qui a la même autorité. Ouais, mais celui qui parle a quand même le dernier mot sur ce qu'il dit. Mais c'est chacun son tour. On n'a pas le droit de contredire. Alors, une règle de base, et puis j'ai envie de dire dans tous les jeux de rôle, c'est qu'on n'a pas le droit de contredire une parole qui a été donnée, sauf au moment où elle est dite, où on peut dire attends, c'est bizarre ce que tu dis là, c'est pas cohérent, etc. Mais une fois que quelque chose a été dit et bien entériné dans le passé, on n'a pas le droit de revenir dessus en disant ah, c'était faux en fait. Surtout voilà, je pense que en fait ce qui fait foi, c'est que tant que tout le monde accepte la chose, ou que s'il y a une autorité, que l'autorité accepte la chose, ça existe, ça, c'est possible. Ouais. Donc bon, alors là on s'éloigne un petit peu de notre thème de base qui est faut-il connaître pour bien jouer. Un petit peu, mais pas trop. Moi, ça m'est quand même arrivé de faire de devoir connaître des éléments pour bien pouvoir les jouer, quoi. Ça, c'est clair et net. Raconte. De devoir faire des recherches sur des personnages. Alors là, je sais pas, je peux pas te citer tous mes personnages, mais quasiment tous, pour tous mes personnages et même pour tous mes PNJ, j'ai au moins été scruté de toi deux trois pages Wikipédia pour regarder ce qu'il en était, etc. Tu vois, par exemple, dans Sens, les PNJ que j'ai fait, c'est tous des PNJ qui ont des doctrines de philosophes. Donc à partir de là, j'ai essayé de chercher des philosophes qui avaient des doctrines philosophiques intéressantes et puis de les mettre sous forme de PNJ. Bah, même question pour toi alors, qu'est-ce que ça t'a apporté pour le jeu ? Alors moi, de base, en tant qu'auteur, là, en tant qu'auteur de Sens, ce qui était intéressant, c'est que ça permettait en fait d'avoir, de se dire, on va apprendre en jouant. C'était une des marques de fabrique de Sens, c'était l'idée, tiens, on va jouer à un jeu de rôle, et puis en même temps, on va apprendre des doctrines philosophiques, on va apprendre à jouer avec elles, à jongler avec elles, à peser la vérité, et la fausseté, et l'étrangeté, ou au contraire, la super adéquation et la super cohérence de telle ou telle proposition philosophique. Donc c'était vraiment l'objectif du jeu. Donc là, voilà, là-dessus, en tant qu'auteur, c'est clair, si tu fais pas des recherches pour faire un jeu, par exemple steampunk, dans la droite lignée de tous ceux qui ont été faits avant, ou tu vois, qui veut dépasser. Là, c'est clair, tu es obligé de bien connaître pour bien créer, ça c'est obligé. Moi, je pense que notre question, elle se rapproche aussi, parce que du coup, j'avais vu sur le blog de Frédéric Saint, il avait un peu posé cette question-là, et lui, il rattachait cette question, Saint, et j'étais très d'accord avec lui sur le fait que ça allait avec le système de jeu. Oui. Parce que selon que tu connaisses ou non ton personnage, ça aura plus ou moins d'importance selon le système de jeu. Comme tu disais, Thomas, si tu as juste à lancer un dé, tu t'en fous. Mais s'il faut que tu racontes tout ce que tu vas faire, ou si l'objectif du jeu, c'est de faire c'est de rentrer dans un le jeu technique. Comme Wushu, par exemple, où tu es obligé de, Thomas, où tu es obligé de décrire précisément ta scène si tu veux la réussir. Oui, mais c'est pareil, c'est la description. Moi, je prends l'exemple d'un médecin. Trouver un jeu de rôle qui me dit, voilà, si tu veux jouer un médecin, il faut que tu connaisses les techniques chirurgicales. Moi, je fais une opération. Le mec dit, voilà, je fais une opération. Ouais. Éventuellement, je prends un scalpel pour couper, tiens, le bidule, là, un bout d'intestin. Tu fasses des conneries, c'est-à-dire que l'opération que tu es en train de décrire soit pas du tout réaliste. Tant que tout le monde est d'accord, ça passe, quoi. Pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir forcément cette connaissance technique, là, c'est vraiment reprendre le truc du médecin, d'avoir la connaissance technique pour bien jouer un médecin. Parce qu'en fait, ce qui compte, ça va être un discours. Ouais. C'est comme, je prends un écrivain de roman. S'il doit écrire un personnage médecin qui est en train de faire une opération, il va donner des détails, mais il va pas aller dire exactement quelle technique il va utiliser. Et pourtant, tout le monde est d'accord. Flavie, je trouve, a tout à fait raison. Et ce que tu viens de dire, Thomas, c'est clair. Il y a vraiment nécessité d'étudier le système de jeu et le but, l'objectif du jeu pour dire si oui ou non on a besoin de faire des recherches et si oui ou non on a besoin de connaître son métier pour pouvoir l'exercer dans la fiction, si j'ose dire. C'est-à-dire que, tu vois, l'idée, c'est de dire si le jeu... Le but, c'est vraiment de faire comme si on était un médecin, tu vois, au sens strict du terme et tout. Là, dans ce cas-là, c'est clair qu'il va falloir se... Alors, ça va être chiant. Peut-être que ça va être chiant. J'ai jamais vu un jeu comme ça. Non, c'est clair. Ça va sûrement être chiant. Mais tu vois, il y a des jeux dont ça peut être l'objectif. Un truc super réaliste et ouais, tout. Ouais, ça pourrait, ouais. Ça peut... Ce serait du surréaliste. On peut même se poser la question du jeu. Je ne sais plus quel jeu tu cites, Thomas, celui dans lequel il y a un tableau pour les accouchements difficiles. Ah oui, Rollmaster. Rollmaster, c'est un tableau. C'est effectivement un trip. C'est une blague. C'est... Je veux dire, tu fais un jet et ça n'a pas besoin de connaître spécifiquement la technique. Mais moi, dans tous les jeux que j'ai joués, on ne m'a jamais demandé d'avoir une connaissance spéciale. Je prends l'exemple, je pense, de Sens Néant. Ouais. Où Sens Néant, on va jouer des personnages qui ont d'autres sens que les humains, qui ne sont pas du tout humains, ils ne peuvent pas parler, ils vont utiliser des sentiments. Humainement parlant, tu ne peux pas imaginer le truc. Tu vas faire de l'anthropomorphisme, je suis d'accord. Mais pourtant, on a fait des scénars, on a réussi à jouer. On a essayé d'imaginer comment réagir avec le monde. Et là, c'est l'objectif du jeu. C'est-à-dire que l'objectif du jeu, justement, c'est de prendre un archétype qui est bizarre, étrange, et de réfléchir à notre anthropomorphisme, justement. Et tu vois, par exemple, encore une fois, ça dépend du système. Ça dépend ce que propose le système. L'objectif du personnage, je pense surtout. L'objectif du personnage, mais surtout l'objectif de l'auteur du jeu, c'est ça. En fait, la façon dont tu veux interpréter. Moi, par exemple, je dis, je veux faire un jeu de rôle philosophique. Forcément, je vais m'inspirer de doctrines philosophiques qui existaient. Voilà. Il n'y a plus sens de l'être. Alors que si tu te dis, le but du jeu, c'est juste de triper sur un film de zombies, bah, tout ce dont tu as besoin comme connaissance, c'est d'avoir vu 2-3 films de zombies et tu t'en fous d'être. Donc en gros, par rapport à la question qui est posée, la réponse serait ça dépend du but du jeu. Exactement. Voilà. Si on te demande effectivement de jouer rationnellement, mais en faisant tous les détails pour que ce soit le plus réaliste possible, ouais. Oui, t'es obligé d'avoir une connaissance. Exactement. Si maintenant c'est juste inventer une histoire ou avancer un scénario, non, tu n'as pas le besoin. Ouais, donc c'est ça l'idée quoi. C'est que tu prends Christophe Buckley dont tu parlais tout à l'heure, qui est un grand connaisseur de la théorie de Ron Edwards, qui distingue par exemple trois attitudes différentes ou trois choses, on va dire, que les joueurs et que les parties peuvent générer, trois types de ce qu'on appelle des propositions créatives. Il y a la proposition créative qui est narrativiste, qui veut massivement proposer de l'histoire, qui veut essayer de créer une histoire à plusieurs. Donc ça va être le but de toute une partie, de la partie tout entière, ça va être de générer une belle histoire. Tu as la proposition ludiste, qui va être le but de la partie, ça va être de s'opposer les uns les autres en tant que joueur, qui va être le plus intelligent pour résoudre cette énigme, ou qui va être le plus intelligent dans le choix de ses équipements pour dépasser les autres et être les plus forts. D'accord ? Et avec l'espèce d'idée qu'il y a le droit de se vanter parce qu'on est le plus fort. Et puis tu vas avoir la dernière proposition créative, qui est la proposition créative simulationniste, qui elle, le but, bah, c'est d'essayer de faire en sorte, on va dire, que tous les joueurs autour de la table aient l'impression d'être dedans, qu'on soit immergé. Oui, mais il n'y a jamais une seule proposition créatrice dans un seul jeu de rôle. Elles sont toujours un peu mêlées dans une partie, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir des petits moments, des petites phases où on va être plus. Il n'y a pas de jeu de rôle narrativiste, il n'y a pas de jeu de rôle simulationniste, il n'y a pas de jeu de rôle ludiste, mais par contre, il y a des systèmes de jeu qui encouragent les joueurs à entrer dans telle ou telle proposition créative. Ça, c'est clair et net. Donc, en fonction de la proposition créative qui est proposé, on va dire, par le système du jeu, ou qui est encouragé par le système du jeu, pour être très précis, et ben forcément, on va se retrouver avec plus ou moins de nécessité de bien connaître, typiquement dans une proposition créative simulationniste, on va dire, ou dans le cadre d'une partie qui est massivement simulationniste, ça va quand même être utile de connaître un petit peu, un minimum, enfin je pense, hein, de connaître les métiers par exemple qu'on exerce, ou que ce soit pour essayer d'être immergé, etc. Alors que dans du narrativiste, est-ce qu'on a besoin de savoir être vraiment un médecin pour créer une histoire intéressante avec des médecins? Non. La preuve, dans Urgence, on ne voit jamais d'opération et de détails techniques. Je pense vraiment, pour revenir à la question de base, c'est que ce qui est vraiment important, ce serait plutôt de réussir à rentrer dans l'état d'esprit de ton personnage. Voilà, c'est ça. Mais ça dépend de l'objectif du jeu, Ben. Plus que dans la compétence en elle-même. Oui, bien sûr. Voilà, ça dépend quand même de l'objectif du jeu, Ben. Si tu vas vraiment dans quelque chose de simulationniste, tu vas avoir besoin de connaître chaque détail, etc. Imagine, c'est vrai que je suis pas un bon exemple. Il y a des jeux de rôle. Ce genre de jeu, je jouerai pas. Il y a des jeux de rôle, par exemple, comme des scènes de reconstitution, par exemple. T'as des gens qui vont faire des scénars, par exemple, des GN, dans lesquels le but, ça va vraiment être de s'y croire et d'être à bloc. Ça veut dire, le but, l'idée, ça va être de se costumer pareil qu'à l'époque. Et je peux te jurer que si t'arrives avec une cotte de maille, alors qu'à cette époque-là, les mecs, ils n'avaient pas la technologie d'en faire, tu vas voir tout un tas d'historiens qui vont arriver, tu vas voir sur l'oral et qui vont dire non, attends, ils n'avaient pas de code de main, il y a l'époque. Il y a des GN. Il y a une sacrée différence entre un GN et un truc où tu t'assois autour d'une table, vrai que... et tu parles tranquille. Oui, c'est vrai. T'es pas en train de sortir ta masse à 2 mètres. C'est sûr. Mais c'est différent. Tu vois ce que je veux dire? Jeu de rôle historique. Ça va être plus ça quand même. Tu vas voir sur le jeu de rôle historique, tu vas avoir vraiment une nécessité d'essayer d'être à bloc sur d'avoir les connaissances du truc et tout. Taper dans le détail à chaque fois. Voilà. Tu prends typiquement le jeu de Marois, comment il s'appelle, Pirate. Le jeu de Pirate. Pavillon Noir. Ce jeu sur les. Non. Ouais, alors attends, Pavillon Noir. Non, si. Tu parles de jeu de Pirate. Qui se passe dans les Caraïbes. Ouais. Et c'est pareil. Je veux dire, dans Pavillon Noir, c'est un jeu à base historique. On prend l'historique du jeu pour essayer de coller à la réalité. Mais ça, c'était l'idée de l'auteur. Ouais, dans l'idée de l'auteur, c'est de pouvoir jouer à cette époque. Ouais, mais est-ce qu'il est forcément nécessaire pour moi, en tant que on va dire joueur, de connaître cette époque? Non. Moi, je pense que si l'idée de l'auteur, c'était de faire en sorte que ce soit super réaliste, la fête aux pirates autour de la table et tout, la fête aux pirates réaliste, je pense que voilà. Oui, c'est quand même. Mais il y a une grande probabilité que l'auteur, lui, quand il a écrit son jeu, c'était effectivement respecter les travers historiques et pour les cohérences de l'univers. C'est pareil au niveau des bateaux, il met des caractéristiques de bateaux de façon à ce que ça colle le plus possible. Mais je considérais que ce travail-là serait plus du maître de jeu. Ouais. Et logiquement, l'auteur, s'il a bien fait sa base, le maître de jeu va trouver toutes les informations importantes dans le livre. C'est-à-dire que l'univers, c'est le livre, tu vas trouver des infos. Mais on et tu n'as pas besoin forcément d'avoir un travail derrière. Alors, tout à fait. Mais on en reste quand même à l'idée qu'il faut bien connaître l'univers du jeu pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Tu vois ce que je veux dire ? Mais non, mais tout à fait. Donc, on vient toujours à la même réponse. Faut-il bien connaître ? C'est que tout dépend en fait de l'objectif du jeu. Quel est le but du jeu ? Voilà, exactement. Comment tu dois t'amuser ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Carrément. Je pense que c'est la. Je pense que c'est la meilleure, réponse qu'on peut apporter à la question. Carrément. Tout dépend du jeu auquel vous jouez. Voilà, c'est ça. Tout dépend de l'altitude en fait que vous avez visée. Et aussi de l'altitude de la table autour de l'univers en lui-même. Ouais, bah c'est évident que si ta table a généralement pas envie de faire des recherches, etc., c'est pas la peine de proposer un truc si hyper simulationniste. Si t'as une bande de nains autour de ta table, c'est clair que bon, bah, voilà, ça va partir en sucette, ils vont vouloir saloper des coups de hache de partout, et puis voilà, ils vont même pas essayer de réfléchir plus loin. Mmh. Mais bon, après, si t'as des gens qui... Ça dépend. Est-ce que ça dépend des gens ou est-ce que ça dépend des jeux ? Après, ouais. Moi, je pense que ça dépend des jeux. Ça dépend vraiment des jeux pour moi, parce que si le jeu il est bien fait, tu vois, par normalement, exemple, ça amènera une certaine façon de jouer. Pour Innommable, tu te poses jamais cette question-là, à aucun moment. Non, mais alors que pour Cthulhu, tu t'en poses plein de questions. À chaque fois, Innommable, tu poses beaucoup de questions. Une situation donnée. Moi, je suis maître de jeu de Cthulhu, je sais même pas à quoi ressemblent les monstres cthuliens. Hein. Et heureusement pour toi. Moi, je pense que c'est, je sais que c'est page 104. Et ça, par exemple, c'est énorme. Thomas, toi, tu maîtrises du Cthulhu, t'as jamais lu un bouquin de Cthulhu ou quoi que ce soit. Attention, d'après la description qu'on fait de système, savoir si on joue bien un jeu, non, je ne fais pas de Cthulhu. Je joue dans l'univers de Cthulhu. Ce que tu connais, c'est non euclidien. Ne demande pas ces propos, hein, je vais me faire lyncher après. Hein. Attention, Thomas. Mais ça n'empêche que, à chaque fois qu'on fait du Cthulhu, t'arrives très... moi, je trouve que tu retranscris très bien les sensations qu'on peut, qu'un personnage peut avoir dans l'univers de Cthulhu. La panique. Mais l'avantage le moment où tout s'emballe. Là, justement, Ben, en tant qu'animateur, je suis en train de paniquer parce que je crois qu'on est nettement en train de dépasser les horaires. Ah, bah, désolé. Ah oui, en effet. Ah, désolé, Tidy Snake. Hein. Allez, on va vous laisser sur cette question. Et puis, de votre côté, n'hésitez pas à poster sur le forum vos idées sur la question. On aura retrouvé le nom du jeu de rôle qu'on cherche depuis tout à l'heure. On le mettra sur le forum, oui. Est-il nécessaire de bien connaître pour bien jouer, de bien connaître son personnage pour bien jouer son personnage, de bien connaître le vrai métier de son personnage pour bien jouer le vrai métier de son personnage? Enfin, le métier fictif de son personnage. Toutes ces questions. Eh bien, voilà, les questions. Le débat est ouvert sur le forum si vous voulez y participer. Et puis nous, on va vous laisser après une courte pause musicale, retrouver Tidy Snake pour Craft Mag. Allez, à bientôt tout le monde. À dimanche prochain. Bisous, ciao, jouez bien. En fait, simple, nous sommes tous. Point barre. Ghostbusters.